Chapitre 9. Le torpilleur Titania. Un mois à peine après le dernier plongeon de René Caudal sous la mer des Açores, nous retrouvons le jeune officier rectifiant des épures dans un vaste atelier de métallurgie de l'avenue Victor Hugo à Paris. Il a quitté en rade de caddie le yacht Cinderella et le prince de Monte-Cristo, non sans avoir arraché de haute lutte à son mécène l'engagement d'honneur de ne rien révéler à personne, jusqu'à nouvel ordre, des choses vues au fond de l'océan. Ce n'était point une mince concession de la part d'un homme si vaniteux et si personnel, convaincu d'ailleurs que la découverte lui appartenait en propre. René avait prétexté de la nécessité de perfectionner ses moyens d'investigation et de compléter les notes prises avant de les soumettre au corps savant. Et le prince, sachant fort bien qu'il ne pouvait rien sans son jeune et distingué collaborateur, s'était laissé persuader. En fait, ce que voulait désormais René, c'était l'indépendance. Il lui fallait la plénitude de sa liberté. Les moyens d'action qu'il pouvait si aisément obtenir de l'opulent propriétaire de la Cinderella, il ne les tiendrait plus que de lui-même. Depuis qu'il avait revu la mystérieuse habitation de Londine, depuis qu'à travers les parois transparentes de la serre sous-marine, il avait retrouvé la forme charmante, l'idée d'une intrusion quelconque dans son entreprise lui était intolérable. Il voulait la poursuivre seul et par des moyens moins aléatoires que le scaphandre de son invention. Avant tout, il était besoin d'un appareil mobile permettant de circuler autour de la prison de cristal qui recélait la jeune fée, et non plus une simple cabine submersible atterrissant où le hasard voulait. L'embarcation sous-marine s'imposait. René avait songé d'abord à un torpilleur de guerre, mais à supposer qu'il en obtint l'usage pour une entreprise purement scientifique, et à plus forte raison pour une entreprise d'ordre privé, un torpilleur n'était point aussi maniable, aussi réellement submersible que l'exigeaient les conditions du problème à résoudre. René s'arrêta donc à la pensée de construire, avec ses propres ressources, grossies pour une part d'une subvention de l'État, un bateau sous-marin spécial, pouvant couler à fond, remonter vivement au jour et naviguer sous l'eau comme à la surface. L'expérience qu'il avait acquise dans son scaphandre lui permit de réaliser très vivement le plan de ce bateau et les solides amitiés que son père et son grand-père s'étaient créées dans l'administration de la marine l'aidèrent à obtenir d'emblée le concours nécessaire. Grâce à l'inépuisable bonté de sa mère, il put réaliser sans tarder les premiers fonds, expliquer son projet aux ingénieurs de la maison Rouergue Frères et se mettre à l'œuvre. Sa conception comportait essentiellement une embarcation de 14 mètres de long et de 5 mètres de large, en tôle d'acier, pouvant loger 6 personnes et naviguer haut et bas, par l'action d'un moteur électrique, en emportant sa provision d'air respirable. Le problème n'était qu'un développement de la cabine submersible construite à bord de la Cinderella, mais si élégamment résolu et par des moyens si simples que les meilleurs juges en furent vivement séduits. Les organes d'immersion devaient être des caisses à eau qui se vidaient automatiquement pour remonter au plein air. Le moteur électrique, une pile mise en mouvement par le contact de l'eau de mer. Le purificateur d'air respirable, une cuve à protoxyde de barium ou un ventilateur actionné par l'arbre de couche de l'hélice, envoyait incessamment l'acide carbonique résultant des combustions organiques. Une puissante lanterne électrique, des regards de verre de tous les côtés, des bras de caoutchouc analogues à ceux du scaphandre et pourvus d'un outillage spécial complétaient l'ensemble du dispositif. Le pont cintré du petit navire, hermétiquement clos pour la submersion, pouvait s'ouvrir en deux moitiés longitudinales pour la navigation ordinaire et laisser surgir alors deux mâtereaux de fer pourvus de larges voiles latines. Un cockpit aménagé à l'arrière permettait à un homme seul de gouverner l'embarcation. René avait décidé que cet homme serait Kermadec, et il avait obtenu sans peine pour le gabier un congé de la même durée que le sien. Le brave garçon, complètement remis de ses avaries, avait accepté d'une joie sans mélange la perspective d'aller voyager sous l'eau avec son officier. Certes, il s'entendait mieux à prendre un riz dans la grande hune qu'à manœuvrer un bateau sous-marin. Mais il était trop fier que M. Caudal l'eût choisi comme compagnon de route pour ne pas se mettre sur l'heure à étudier ce mode de navigation. Et tout le temps qu'il ne passait pas au musée de marine, il l'employait à piocher certains traités des torpilleurs et bateaux sous-marins. Un fier livre. Le temps n'est plus, et c'est heureux, où les humbles comme Kermadec étaient fatalement privés par leur ignorance de toutes les joies de l'esprit. Kermadec se rappelait son père, homme doué d'une rare intelligence, mais tout à fait inculte, qui, si souvent, avait regretté devant lui de ne pas même savoir signer son nom. Mais sur le tard, cette ambition lui était venue, et le gabier avait encore présent à la mémoire les efforts désespérés et d'ailleurs infructueux du pauvre pêcheur pour plier ses doigts noueux qu'avaient raidis les durs travaux de la mer au maniement de la plume et du crayon. Il les brisait comme verre entre ses phalanges de fer, ses frêles engins, sans parvenir à tracer sur le papier autre chose que des hiéroglyphes à désespérer Champollion. Yvon Kermadec, le gabier pharo d'aujourd'hui, était alors un gamin, marchant à pas traînants vers l'école, ainsi qu'un colimaçon paresseux. Mais une fois de retour au logis, il servait de précepteur à son père, et tout petit, il avait appris à apprécier les bienfaits de l'éducation que le plus dénué possède maintenant de droit. Les conseils de son officier lui avaient été salutaires. Il avait pris le goût de la lecture et, au lieu de ruiner sa bourse et sa santé au cabaret, il employait son temps à se meubler le cerveau de toutes sortes de choses belles ou utiles. Il faut convenir qu'il devait de la reconnaissance à René, et le fait d'avoir été choisi comme compagnon de route, non moins que son séjour au peuplier, avait achevé de transformer en adoration l'affection si vive qu'il ressentait déjà pour son chef. De son côté, René s'était beaucoup attaché à ce brave garçon, si bon, si gai, si franc, si courageux, et tous deux se faisaient une véritable joie de leur aventureuse croisière. Ne voulant pas s'exposer à des bavardages intempestifs, ni même à ses hochements de tête, ses lèvres plissées, ses clignements d'yeux, ses réticences, par lesquelles les gens savent, sans rien dire, faire entendre qu'ils gardent un secret, René n'avait point révélé à Yvon les choses merveilleuses qu'on trouve en certaines profondeurs de l'Atlantique. Il se réservait de lui parler de l'Ondine en temps et lieu, n'étant pas bien sûr, d'ailleurs, que l'imagination bretonne du gabier ne concevrait pas quelque préjugé contre un lusus naturae pareil à la charmante fée des eaux. S'il allait voir en elle une sorcière et refuser le voyage, René avait jugé qu'à tous égards son gabier était le compagnon idéal, et il ne voulait pas risquer de le perdre pour quelque superstition tenace persistant en un repli de cet entêté cerveau celtique. Aussi Kermadec ignorait-il complètement à quelle rencontre il l'exposait en descendant au fond de l'abîme. Cependant, les travaux étaient poussés avec ardeur, et le bateau sous-marin prenait déjà tournure. Il présentait, ouvert, l'aspect du plus coquet des yachts pour un, fermé, celui du plus farouche engin de destruction. Aussi s'accordait-on chez les frères Rouergue à le dénommer torpilleur, quoiqu'il ne montrât encore aucun porte-torpille. Contrairement à l'usage de ces petits navires de guerre, il n'était d'ailleurs pas désigné par un simple numéro d'ordre, mais devait s'appeler Titania. Tout Paris défila pendant 8 jours dans l'atelier de l'avenue Victor Hugo. On avait parlé de l'invention nouvelle, les journaux l'avaient discuté, les reporters et intervieweurs s'étaient mis en campagne pour la décrire et l'expliquer en ses moindres détails. Si bien que René se trouvait à la mode avant même que son navire eût reçu sa 3e couche de noir. Elle n'était pas plutôt sèche qu'il partait avec Kermadec à la suite du truc unique sur lequel la Titania venait d'être chargée à destination de Brest. Madame Caudal s'y était déjà rendue en compagnie d'Hélène et du docteur Patrice. En dépit des terreurs qu'inspirait à l'excellente mère la pensée de voir son fils s'embarquer sur une machine pareille, elle n'aurait pour rien au monde voulu manquer d'assister aux essais en rade. On peut juger qu'Hélène n'avait donné aucune explication au voyage. Depuis 6 jours, les deux dames attendaient anxieusement leur cher marin. Par un hasard heureux, l'Hercule étant venu régler ses compas en rade de Brest, le commandant Haraucourt et ses officiers s'étaient empressés d'aller présenter leurs hommages à la mère du jeune enseigne. Avec quel bonheur Madame Caudal les écoutait parler de son fils chéri. C'était plaisir de voir son beau visage s'éclairer d'un radieux sourire quand le brave commandant ou l'un de ses jeunes subordonnés lui rapportait quelques traits de bonne camaraderie, d'intelligence ou de courage de son René. Bien qu'elle se fût donnée pour règle de conduite de ne jamais vanter elle-même son cher enfant, le bien qu'elle pensait de lui, la fierté qu'elle ressentait d'être sa mère, perçait toujours en dépit d'elle, et l'enseigne des Bruyères, qui était fort malicieux, se faisait une joie de l'amener à s'écrier avec effusion « Il est si charmant, mon René !» pour se reprendre aussitôt, confuse, et s'écrier « Je veux dire, vous êtes tous si bons, messieurs !» espérant ainsi donner le change. Le commandant Haraucourt, lui, comprenait ce cœur de mère. Il savait la laisser parler librement, ressasser 1000 fois les perfections de son idole, et comme il avait beaucoup d'affection pour son enseigne, il supportait sans nulle fatigue les louanges maternelles. Quant à Madame Caudal, elle reconnaissait en lui un auditeur selon son cœur, et tout en s'excusant chaque fois qu'elle s'était laissée entraîner à quelque rhapsodie sur l'absent, elle recommençait dès qu'elle trouvait à sa portée cette oreille complaisante. « Bon Dieu, si René m'entendait !» disait-elle quelquefois à sa nièce prise de terreur. « Crois-tu qu'il aurait pensé que je le rendais ridicule, ce soir par exemple ?»« À quel moment, ma tante ?» disait Hélène avec malice. « Quand vous nous avez raconté de quelle façon ces grosses dents ont percé ?» Ou bien quand vous avez expliqué par quel surprenant concours de circonstances il n'avait pas toujours tous les premiers prix au lycée? Mais non, tu es folle, je n'ai rien dit de pareil. Seulement, je crains d'avoir peut-être un peu trop parlé de lui. Il n'aime pas cela. Ces messieurs doivent m'avoir trouvée indiscrète. Ces messieurs voudraient bien avoir une mère telle que vous, s'écriait Hélène. N'est-ce pas, docteur? Oui, mademoiselle. Et aussi une cousine comme celle de René, je suppose. Oh, la cousine, il s'en passerait sans doute. Mais la maman, on n'en fait plus comme vous, tante Alice. Je sais bien ce qu'ils pensent, ces messieurs, disait le docteur Patrice. Mais comme il ne faut pas encourager la vanité, je n'aurai garde de le répéter. Et qui vous le demande? S'écriait la rieuse Hélène. Qu'ils pensent ce qu'ils voudront. Ce sont les camarades de René, et nous les aimons tous pour cela. C'est bien vrai, disait Madame Caudal. Moi, cela me réchauffe le cœur de les voir et de les entendre. D'ailleurs, ils me paraissent extrêmement distingués. Surtout lorsqu'ils vous racontent les hauts faits de monsieur mon cousin. N'est-il pas vrai, petite tante? Mon pauvre enfant, dit Madame Caudal, les yeux soudain mouillés de larmes. Quand je me représente à quel péril il a échappé, et quel danger il va courir encore dans ce maudit, ce malheureux bateau sous-marin !» Elle s'arrêta pour s'essuyer les yeux. « Voyez-vous, tante Alice ne veut pas l'appeler un maudit bateau parce qu'il est l'œuvre de son fils. Sans cela, dit tout bas Hélène au docteur. « Mais la voilà qui recommence à avoir du chagrin. Allons, remontez-lui un peu le moral. » Et tous deux s'efforçaient d'inspirer le courage à la malheureuse mère. Tâche difficile, puisque endormie ou éveillée, son unique pensée, sa seule crainte, était celle des accidents qui pouvaient arriver à son enfant. Cependant, l'inventeur arriva. Toute la ville était sur pied pour assister au lancement du bateau. Parmi les nombreux navires qui étaient venus se ranger dans la rade afin d'être témoins de l'expérience, on remarquait la Cinderella, dont le princier propriétaire était accouru à Brest dès que la renommée aux 100 bouches lui eut appris ce que méditait son jeune ami. Ah, ce n'était certes pas lui qui décourageait les intervieweurs. Il les recevait à bras ouverts, leur donnait 1000 détails sur lui-même, sur son yacht, sur René et sur la puissance de travail de son jeune et distingué collaborateur, sur ses ouvriers, la croisière qu'il avait faite. Il en venait peu à peu à se considérer comme le véritable héros de la fête. Il s'était, bien entendu, présenté sans tarder chez Madame Caudal et avait le plus gracieusement du monde mis son yacht à la disposition de ses dames au jour de l'essai public. Mais la mère et la cousine de René avaient préféré toutes deux accepter plutôt l'invitation du commandant à Raucourt et, dès la première heure, le canot-major était venu les prendre pour les conduire à bord de l'Hercule. Toute la population était massée sur les quais. Des milliers de personnes couvraient les toits voisins. Et quand René et Kermadec parurent, ils furent salués par une immense acclamation. Ce n'est pas de l'Hercule que partit la plus faible. L'équipage entier, perché dans la mâture, attendait avec anxiété le résultat de l'expérience. Le moindre novice se croyait directement intéressé à son succès. À midi précis, l'enseigne et le gabier s'embarquaient sur la Titania. Le coquet petit navire, léger comme une plume, se balançait sur les eaux vert sombre de l'avant-port. Un coup de canon retentit. Aussitôt, ses matelots se relevant, il déploya ses deux voiles, s'inclina gracieusement sous la brise et partit. Il décrivit un large cercle dans la rade, semblant flirter avec la mer mystérieuse, puis revint vers son point de départ. Soudain, René et Kermadec se levèrent et saluèrent la multitude, qui répondit par une formidable acclamation. À l'instant, on vit le gréement se replier d'un mouvement harmonieux, comme celui d'un oiseau qui ploie ses ailes. L'enseigne et le gabier s'assirent au fond du cockpit. Les deux moitiés du pont cintré se fermèrent au-dessus de leur tête. Une minute ou deux, le torpilleur flotta sous sa nouvelle forme, puis, tout à coup, comme prenant sa décision, il sombra lentement et s'effaça dans les eaux, pareil à quelque cétacé. Une acclamation nouvelle salua cette disparition. Tout le monde applaudit. Puis les lorgnettes se mirent à fouiller la rade, épiant la sortie du navire sous-marin. Un quart d'heure s'écoula. Chacun attendait en silence, pris d'une angoisse qui grandissait de minute en minute. Madame Caudal, depuis que le bateau s'était enfoncé, avait pâli jusqu'aux lèvres. Elle n'avait pu retenir un cri, perdue dans les hurrahs de la foule, quand les deux élytres de la Titania s'étaient refermées sur son fils. Il lui avait semblé le voir à jamais clos dans un cercueil. Cette horrible pensée s'était accentuée encore quand le petit navire avait sombré. Le savoir là, son René, sans air, écrasé par ces montagnes d'eau, c'était affreux. La pauvre mère avait joint ses deux mains sous sa mante, et blanche comme un linge, les yeux fixes, elle attendait. Hélène avait vu l'angoisse de sa tante. Elle avait tendrement passé son bras sous le sien et le pressait pour lui donner du courage. Effrayée, émue elle aussi, heureuse quand même, surexcitée par cette aventureuse expérience de son cousin, jamais la jeune fille n'avait été plus charmante. Sous son chapeau de paille fleuri de grosses marguerites, avec sa robe de laine grise, sa taille svelte ceinte à l'aise par un large ruban bleu, elle faisait l'admiration de tous ceux qui l'entouraient. Mais dans sa parfaite simplicité, elle ne paraissait pas même s'en douter. « Là-bas, mademoiselle, là-bas, voyez-vous » s'écria soudain le docteur Patrice qui, debout derrière elle, n'avait pas cessé de fouiller la rade au moyen d'une excellente lorgnette. « Où donc ? De quel côté ?» demanda Hélène tremblante. « À l'ouest, là-bas, madame, le voyez-vous » Madame Caudal n'osait même pas regarder, mais les cris de la multitude l'obligèrent d'ouvrir les yeux et, à 2 ou 3 000 mètres devant elle, vers l'ouest, Elle vit surgir lentement ce qui lui parut d'abord un dos de baleine. Bientôt, le bateau flotta, sa coque s'ouvrit, les mâts se relevèrent et les voiles se déployant, il revint d'un coup d'aile se placer à son point de départ. L'expérience avait duré 32 minutes, la réussite était complète. Ce fut au milieu des plus enthousiastes manifestations que René et Kermadec mirent pied à terre. On leur fit une véritable ovation. Un quart d'heure plus tard, Madame Caudal, pleurant de joie, serrait son fils sur son cœur maternel. Elle ne devait pas, la pauvre femme, jouir bien longtemps de ce bonheur, car le lendemain matin, quand le soleil se leva sur la rade, la Titania n'y était plus. Avec le petit navire, René et Kermadec avaient disparu. À 8 heures, par la première poste, Madame Caudal reçut ce mot au crayon. « Je pars. Adieu à tous, René. »